dimanche, c'est la même. Je vais à mon rendez-vous sportif de la semaine. Là, le visitant m'attend, la tchav, la tchav, la tchav. Dans les vestiaires, toujours la même odeur. Mélange de pieds, de senteurs, viril. Ça tchatche grave, de l'arrêt soit hier soir jusqu'à que le coach cause et s'impose. Oh, attention les gars, maintenant on est dans le match, hein. Juste ça va pas être facile, on va jouer avec 7 défenseurs, 2 milieux défensifs et un attaquant. Les gars, ça chicore, on tacle à la gorge, ouais. Tacle à la gorge, ça va bouillave, bouillave, mais tacle à la gorge, ça va bouillave, bouillave, mais bouillave, bouillave, bouillave, bouillave, bouillave, bouillave, ah, ah, ah. On suit les murs. Comme des gladiateurs, l'échauffement est fait à 100 à l'heure. Le match débute, premier quart d'heure d'observation. Puis finalement, changement de crampon. Faut bien les 18 quarts en face, ça m'a brave. Le match est d'une grande qualité pour preuve. L'arbitre est bien secoué. Les numéros d'officier, tel que tu me vois la prochaine fois, c'est dehors. Depuis deuxième mi-temps, la fatigue est dense. Sergio a commencé à rentrer dedans. Si on marche en crabe obligatoire, c'est sûr ça les casser du petit bois. Ça va bouillard, bouillard, mais tacle à la gorge. Ça va bouillard, bouillard, mais bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard. Tacle à la gorge, ça va bouillard, bouillard, mais tacle à la gorge. Ça va bouillard, bouillard, mais bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard. Solo. Savoir pourquoi après ça, ça m'arrabe. Le match est pas terminé, mais on s'est bien marré. Juste un ou deux chicots pétés. Bah, ça c'est le petit qui rentre, pote. Ça nous a pas empêché de boire une bonne rebier. En parlant de notre sport préféré, bien sûr, ça chambrait, bien sûr. Mais on a tous fini par tomber d'accord. Et ouais, mais. Y'avait pas faute, je tacle la gorge, monsieur l'arbitre. On n'est pas des danseuses. Bon, j'ai beau, c'est vrai, il a pissé sur le bord. J'ai mis le pied, et alors? Oh putain! Tacle à la gorge, ça va bouillard, bouillard, mais tacle à la gorge, ça va bouillard, bouillard, mais bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard. Tacle à la gorge, ça va bouillard, bouillard, mais tacle à la gorge, ça va bouillard, bouillard, mais bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard, bouillard. Tacle, tacle, tacle, tacle à la gorge, mais tacle, tacle, tacle, tacle à la gorge.